Et un, et deux, et un, deux, un, deux, trois, quatre, toi, petite poupée, je sais de quoi j'ai l'air, tu ne vas plus me supporter, et j'en ai rien à faire, car je resterai là, je ne bougerai plus si tu m'invites. Et tu devras m'embrasser assez vite. Et si tu n'aimes pas le rock'n'roll, je m'en fous un peu. Tant que t'aimes la colle, on pourra être heureux et on fera l'amour. On s'aimera pas pour toujours, mais on s'aimera si fort qu'on fera l'amour dehors. Et puis on ira danser d'abord dans un restaurant, puis ensuite dans un jardin d'enfants, jusqu'à se faire jeter pendant que tu boiras ta Red Bull vodka qui me coûtera un bras. Moi je serai dingue de toi et j'aurai même pas peur, on la payera pas ta vodka, parce que c'est rock'n'roll, parce que c'est rock, rock, rock'n'roll, parce que c'est rock, rock'n'roll. Avec le rock'n'roll, pas besoin de raison. Non, pas besoin de raison. Avec le rock'n'roll, tu verras poupée. Le rock'n'roll, c'est la belle vie. Et sa poupée, c'est pas moi qui l'ai dit. Le rock'n'roll. Rock and roll.